Alors, c'est une spéciale dédicace pour Jean-Marc du Déclic, pour Rémi du Bar des Chasseurs. Depuis le temps que je balade ma grande gueule dans les bars, moi j'en ai vu des rades, et j'en ai des histoires de cul et de bouteilles, et des histoires de cons, mais je crois que les plus belles, je les dois au patron. Je les dois au patron. J'en ai vu des timides, des marrants, des balèzes, des petits, des cupides, des chauves et des obèses. Ils ont tous en commun de se plaindre souvent de la crise du voisin qu'appellent les flics tout le temps. Mais tu t'en fous des cons et tu baisses pas les bras. Allez, vas-y, patron, celle-ci, elle est pour toi. Et quand le hasard porte mes coudes sur ton comptoir, moi je laisse à ta porte toutes mes idées noires. Car si j'ai l'habitude de traîner par chez toi, c'est que la solitude ici ne rentre pas. Ne rentre pas. T'es un peu une maman, un gendarme et un psy. Ton comptoir c'est marrant, c'est un concentré de vie. T'es là dans les coups durs, t'es là dans les coups de mou. Et puis t'es là bien sûr quand on veut boire un coup. Et pour tout ce houblon, et pour tous ces sourires, on voulait juste te dire merci patron. À la fac, et je comprends pas comment t'as eu ta licence 4. Ça mérite bien un coup. Et s'il faut que l'on trinque, on peut dire entre nous que je fête mon bac plus 5. Mon bac plus 5. Et si moi je fredonne mes chansons par ici, c'est que la bière est bonne et qu'on est entre amis. Et si cette chanson-là, tu la trouves pas trop naze, et patron, promets-moi d'effacer mon ardoise. Et enfin pour finir, et pour faire un contron, on voulait juste te dire merci patron. Merci patron. Merci patron.